Revelation chapter 19, verse 7, it says, "Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come." L'Apocalypse, chapitre 19, c'est une... Au verset 7, il dit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » That is the glory that Isaiah saw bringing joy. Ça, c'est la gloire qu'Esaïe a vue, apportant la joie. And he says, and his bride has made herself ready. Il dit, et son épouse s'est préparée. Verse 8, fine linen, bright and clean was given her to wear. Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. And my version says, fine linen stands for the righteous acts of the saints. Et ma version dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. And then verse 9, it says, then the angel said to me, write, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb of God. Alors, si vous regardez à ce fin là, et au verset 9, il dit, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. And he added, these are the true words of God. Et il ajoute, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. That is the wedding of the Lamb of God. C'est le mariage de l'agneau de Dieu. But when you just turn on the same page. Alors quand vous tournez à la même page, same chapter, le même chapitre, just move forward from verse 11 on, quand vous allez au verset 11 et suivant, talk about the second coming of the Lord, qui parle de la seconde venue du Seigneur, he says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse. You remember the white horse he showed me the wedding rings? Le verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Vous vous souvenez, le cheval blanc, quand j'ai vu les anneaux de noces? Again, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and makes war. Encore, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui que le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. And he says, his eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. Et il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs couronnes. There is even a worship song that says, he is crowned with many crowns. You see that? Il y avait même un chant qui dit, il est couronné de plusieurs couronnes. The darling of heaven crucified. Le chéri des cieux qui est crucifié. He says, he has a name written on him that no one knows but he himself. Il dit, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. He is dressed in a robe dipped in blood. Hallelujah. Let me share a little bit deeper here today. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Laissez-moi aller un petit peu plus profondément aujourd'hui là-dessus. The first time the Lord Jesus appeared to me, la première fois que le Seigneur Jésus m'est apparu, in the sky, dans le ciel, on that May 17th, 2004, en ce 17 mai 2004, when he appeared, remember during the calling, quand il est apparu, souvenez-vous, pendant l'appel, he appeared, but in a tremendous glory, il est apparu dans une gloire extraordinaire, and then he touched me with the left hand. Et il a touché ma main gauche. I've shared that the church may grow and know that the Lord has done a new move. J'ai partagé que l'église pouvait grandir et que le Seigneur a donné un nouveau mouvement. But I'm talking about this visitation, talking about the rapture. Mais je suis en train de parler de cette visitation. Je parle à propos de l'enlèvement. When he showed me how he's going to take the church. Quand il m'a montré comment il va prendre l'église. When his hands were significantly big and he pulled them, you know. Quand ses mains étaient considérablement plus grandes et il les tirait. By the way, it's the glory that pulls them from the tombs, that transforms you and takes you. That's why that morning dew is very critical. Au fait, c'est la gloire qui les tirait de la tombe qui vous transforme et vous enlève. C'est pourquoi cette rosée du matin est très importante. I want to talk about that morning dew a little bit. That morning dew. J'aimerais parler un peu de cette rosée du matin. That morning dew. Cette rosée du matin is the river that flows from the throne of God, from the temple of God in heaven. Est la rivière qui coule du trône de Dieu, du temple de Dieu dans les cieux. And it flows the four ends of the earth. et ça coule aux quatre coins de la terre. Empowering the four glorious horses that I saw, which stood for the four glorious gospels. Et donne du pouvoir aux quatre glorieux chevaux que j'ai vus, représentant les quatre glorieux évangiles. That were to purge up, to clean up the four ends of the earth. Qui étaient là pour purger et nettoyer les quatre coins de la terre. The four glorious gospels are the ones going to clean up the church. Do you hear me? Les quatre évangiles glorieux qui vont nettoyer l'église. Once you anchor yourself on the four glorious gospels. Quand vous vous ancrez vous-même dans les quatre évangiles glorieux. Then you can teach the whole Bible. Ensuite, vous pouvez enseigner toute la Bible. And the glorious gospels are glorious, so they will bring radiance. Et les glorieux évangiles sont glorieux. Alors ils apporteront un rayonnement. With the morning dew. Avec la rosée du matin. Flowing from the throne of God, the life-giving spirit of God. Coulant du trône de Dieu, la vie venant de l'esprit de Dieu. That can give life to the dead. Ça peut donner la vie aux morts. That they too may resurrect. Qu'ils puissent aussi ressusciter. We'll talk about that river. Nous parlerons de cette rivière. A river of life. La rivière de la vie. And why Isaiah saw the morning dew. Et pourquoi Esaïe a vu la rosée du matin. And also Daniel saw, everybody saw, I saw it at Kehancha, all the time I've seen it. Et aussi Daniel l'a vu, tout le monde l'a vu, je l'ai vu à Garanche, tout le temps je l'ai vu. But here, what I want to emphasize to you. Alors ici, là où je voudrais mettre de l'importance pour vous. On the rapture, the door to rapture. Au sujet de la porte de l'enlèvement. Is that? C'est que. On that 17th of May. Ce 17 mai. When he first appeared to me from the sky. Où il me l'a montré pour la première fois dans le ciel. He has a red cloth. Il a un habit rouge. That runs from his left shoulder. Qui est placé sur son épaule gauche. You want to be mature, of course, hein? Vous désirez être mature, n'est-ce pas? Let's all be mature. Soyons tous matures. He has a red cloth. Il a un habit rouge. That runs from his left shoulder like this. Qui est posé sur son épaule gauche, comme ça. Down here. Jusque en bas. Red, red, red, red. And you can imagine when it's red within the glory of the Lord. Rouge, rouge, rouge. Vous pouvez imaginer quand c'est rouge dans la gloire de Dieu. Let the church mature. Que l'église soit mature. I need to share. It's time to share these things now. J'ai besoin de partager. C'est le temps de partager ces choses maintenant. The deep things about the person of Christ. La chose profonde à propos de la personne de Christ. You've lived on rumors for a long time. Vous avez vécu de rumeurs pendant longtemps. It's time to live on the truth. C'est le moment de vivre dans la vérité. It is time for the church to live on the true word and the revelation of God. C'est le temps pour l'église de vivre dans la vraie parole de la révélation de Dieu. This is the same red cloth. C'est le même habit rouge. And I kept preaching. I was in Mexico, where Latin America was saying, the red cloth. I've seen the red cloth, you know, just like blood that runs from his left shoulder like this. Et j'ai continué à prêcher au Mexique, en Amérique latine, et je disais, l'habit rouge, j'ai vu l'habit rouge, vous savez, juste comme du sang, qui est sur son épaule gauche, comme cela. These ones have never healed. These ones never healed. Let's mature up today. Et la première chose qu'il fait, il me montre ses mains et les trous dans les mains et il dit, de ceci je n'ai jamais guéri. De cela, je n'ai jamais guéri. These ones never healed. The other scars healed. They are now scars. De ceci, je n'ai jamais guéri. Les autres cicatrices ont guéri. Ils sont maintenant des cicatrices. So this is the one that normally first, even when the hand came to touch me, the glory is tremendous. Celui qui, normalement, en premier, même quand la main est venue me toucher, la gloire est très grande. But you could see where it was punched. Mais vous pouvez voir, j'étais touché. The nail. Le clou. So that's the first one. That's the first thing he does. C'est la première chose qu'il fait. When he was sure that I've focused on him in that vision, then he lifted the hand like this. Quand il était sûr que mon attention était sur lui dans cette vision, il a levé sa main comme ça. Then look what I did for you. Regarde ce que j'ai fait pour toi. He's so proud of what he did for you. Il est si fier de ce qu'il a fait pour nous. He is so satisfied that he did it. Il est si satisfait de ce qu'il a fait. But the problem is this. Mais le problème est ça. He was so much abused. Il a été tellement abusé. He was carrying a cross. Il a été porté à la croix. That would deliver you. Pour que nous soyons délivrés. The church. L'église. They beat him like a dog until he fell down, until the shoulder broke. Ils l'ont frappé jusqu'à qu'il tombe, jusqu'à que ses épaules soient cassées. Until he could not even carry the shoulder that was carrying the cross, he fell down with it now. Jusqu'à ce qu'il puisse même plus porter la croix. L'épaule qui la supportait, la croix, il est tombé avec maintenant. The shoulder broke. L'épaule était cassée. He collapsed. Il s'est effondré. He was so shocked. Il était si choqué. In fact, if you read Psalm 22, en fait, si vous lisez le psaume 22, you see that he died more of shock. Vous voyez qu'il est mort plus d'un choc than physical injury. Que d'une blessure physique. He was so shocked at the amount of hate. Il était si choqué de la quantité de haine that these people had accumulated against him. Que ce peuple avait accumulé contre lui. How could you beat me like this? Comment pouvez-vous me frapper comme ceci? Until he wept. Jusqu'à ce qu'il pleure. Beat until he fell down. Frapper jusqu'à ce qu'il tombe. You try to beat a dog, you'll be arrested. Si vous essayez de frapper un chien juste là devant la porte, vous allez être arrêté. Because there are laws protecting dogs. Parce qu'il y a des lois pour protéger les chiens. But there was no law to protect the Messiah. Mais il n'y a pas de loi pour protéger le Messie. They beat him so horrendously. Ils l'ont frappé si horriblement. Until now we have never been able to perceive the depth of the suffering of the Christ. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais pu percevoir, nous n'avons jamais été en mesure de nous rendre compte la profondeur de la souffrance de Christ. That is the blood that is symbolic of the red cloth. C'est le sang qui est symbolique dans l'habit rouge. The blood is poured for you. Le sang a été versé pour vous. Alléluia. Alléluia. How could you go to sexual sin? Comment pouvez-vous aller dans des péchés sexuels? If you really perceive the suffering of the Christ. Si vous percevez réellement les souffrances de Christ. How could you choose me, me, myself, me, me, me? Comment pouvez-vous choisir moi, moi, seulement moi? I want to be happy. You know me, I want to be me, me, your feelings. Je désire être heureux. Moi, moi, tout le monde, toujours les sentiments. Jesus never chose his feelings on that day. Jésus n'a jamais choisi ses sentiments en ce jour. But he felt towards you. Mais il a senti à votre égard. Alléluia. Alléluia. It is time to mature up. C'est le moment d'être mature. And he does this. Et il fait cela. So look what I did for you. That's the first thing he shows you. So you may see. Il dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. C'est la première chose qu'il vous montre. Alors, vous pouvez voir. But when he looks at the wounds. Mais quand il regarde aux blessures. And the scars. Et les cicatrices. Then he asks. Ensuite, il demande. But where is the church that I purchased? Mais où est l'église rachetée? Where is the church that I purchased? Où est l'église que j'ai rachetée? They are busy doing comedy. Ils sont occupés à faire des comédies. The pastors. Les pasteurs. The more funny you are, the more anointed probably they think, right? Prêchant est le plus marrant vous êtes, le plus loin probablement, ils pensent. Mm. People like him. Les gens l'aiment. Women laugh, they love that church, they go there. Les femmes rient, elles aiment l'église où elles vont. Isn't it? N'est-ce pas? The more comical you are. Le plus comique vous êtes. The more you have more people, the more money you gather. Plus vous avez plus de gens, plus vous recevez de monnaie. Right? Juste? How can we say this is the temple of the Lord? Comment pouvez-vous dire ceci est le temple du Seigneur? The temple of the Lord. Le temple du Seigneur. The temple of the Lord. Le temple du Seigneur. And yet. Et maintenant. God is not here. Dieu n'est pas là. He's asking, where is that church? Il demande, où est cette église? That I so much suffered for. Pour laquelle j'ai tant souffert. The wounds I see. Les blessures que je vois. The scars I can see. Les cicatrices que je peux voir. But where is that church? Mais où est l'église? Où est cette église? They have joined politics. Ils font de la politique. In Rwanda, people ran to churches, pastors turned around, killed them also. Au Rwanda, les gens ont couru à l'église et les pasteurs ont tourné autour et les ont tués. In Kenya, people ran to churches, pastors turned around and killed them. Au Kenya, les gens courent à l'église et les pasteurs tournent autour et les tuent. And they burnt them in the churches. Et ils les ont brûlés dans l'église. Pastors surrendered them. See, that was another tribe. Killed that one. He licked them. Les pasteurs les livraient. Ils disaient, c'est une autre tribu. Tue celui-ci. Ils les trahissaient. Pastors knew the list of who is from another tribe here in Kenya. Les pasteurs avaient une liste de ceux qui étaient d'une autre tribu au Kenya. Isn't it true? Est-ce que c'est pas la vérité? Where is the church that Jesus purchased? Où est l'église que Jésus a rachetée? Alléluia. Alléluia. And he says here. Et il dit ici. Verse 13, Revelation 19. Le verset 13 de Révélation 19. He is dressed in a robe dipped in blood. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. And his name is the Word of God. Et son nom est la parole de Dieu. The armies of heaven. This is what I wanted to bring you on the rapture door. Les armées qui sont dans les cieux. C'est ce que je voulais vous apporter à propos de la porte de l'enlèvement. The armies of heaven are following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Did you see that fine linen before the rapture? Vous voyez ce fin lin avant l'enlèvement? And now you see it at the second coming of Christ. Et maintenant vous le voyez à la deuxième venue de Christ. That means. Ça signifie. When you prepare today and spiritually begin to enter into the rapture today. Quand vous préparez aujourd'hui et spirituellement commencez à entrer dans l'enlèvement aujourd'hui. Today you tell yourself, Lord. Aujourd'hui vous disiez à vous-même, Seigneur. I am not going to wait for rapture because that day you will essentially close the door. Je ne vais pas attendre l'enlèvement parce que ce jour-là, tu vas fermer la porte. And it happens like this. Et ça va arriver comme ça, en un clin d'œil. So you don't even have time to prepare. Alors vous n'aurez même pas le temps de vous préparer. I am going to prepare today, which means, je commence à préparer aujourd'hui, ce qui signifie. If I am a woman here, I'm going to my closet, look at what clothes are full of prostitution that I've been wearing. Si je suis une femme, je vais dans mon armoire et je regarde quel est l'habit qui est plein de prostitution que j'ai porté. Some of you women have even kept clothes that some of your boyfriends gave you before you married. Quelques-unes d'entre vous, femmes, vous portez encore les habits que votre fiancé d'avant votre mariage vous a offert. Some of you women have kept rings that some of your boyfriends gave you before you married your husband. Quelques-unes d'entre vous, vous portez encore l'anneau que votre ancien bon ami vous a offert avant votre mariage. That every day when you look at that ring, you feel good. Que chaque jour, quand vous regardez à propos de ce anneau, vous vous sentez bien. Let us talk today. Parlons aujourd'hui. Some of you women have kept even shoes that your other illicit, evil boyfriends gave you when you went to those dates. Quelques-unes d'entre vous, vous portez encore les chaussures que votre ancien bon ami vous a illégalement données avant, quand vous aviez des rendez-vous avec lui. And you are busy lying to your husband that, you know, I'm just keeping it there. Et vous êtes active à mentir à votre mari en disant, oui, je les ai juste gardés ici. But every day you open the closet, you look at it, it has a quenching thing it does into your evil heart. Chaque jour, quand vous ouvrez l'armoire, vous les voyez, cela étanche votre soif dans votre mauvais cœur. Some evil quenching. Quelque mauvaise satisfaction. That when this man disturbs me these days like this, I always go to the closet and smell the other cloth. Et quand cet homme me dérange ces jours comme ça, je vais toujours dans l'armoire et sens les autres habits. They even smell that when I smell the other man. La même odeur, quand je sens l'autre homme. It must end today. Ça doit finir aujourd'hui. If you want to enter the rapture. Si vous voulez entrer dans l'enlèvement. You have watches and rings bought you by some illegal, some evil relationships. Vous avez des montres et des anneaux qui vous ont été offerts par des relations illégales. You have kept them. Vous les avez gardés. I will tell you to throw them away. Je vais vous dire de les jeter. The Lord is saying, get rid of the yeast. Le Seigneur dit, enlevez la levure. Because the devil will sneak in yeast without you knowing. Parce que le Seigneur va se faufiler dans la levure sans même que vous le sachiez. You understand? Vous comprenez? If you want to enter through this door, si vous voulez entrer à travers cette porte, do you hear me? Vous m'entendez? When the devil sees Paul, quand le diable a vu Paul, he has the name Saul, il s'appelait Saul, and the devil has seen how God is planning to use him, et le diable a vu comment Dieu faisait le plan de l'utiliser, the devil takes him earlier. Le diable l'a pris plus tôt. So Saul is persecuting Christians. Alors Saul persécutait les chrétiens. And then later on, writing almost 2/3 of the New Testament. Et plus tard, il a écrit presque les 2/3 du Nouveau Testament. So that's why you have to be very careful. Scrutinize them. Let the Spirit reveal to you. C'est pourquoi vous devez être très prudent. Les scruter. Laissez l'Esprit vous révéler. Time has come. Le temps est venu. For you, the church, to enter. Pour vous, l'Église, d'entrer. Let nothing stop you from entering through this door. Ne laissez rien vous empêcher d'entrer par cette porte. Because you'll never enter with a car. Parce que vous n'entrerez jamais avec une voiture. With a home. Avec une maison. With a, whatever your values are here. You know, people have value systems. Quelles que soient les valeurs que vous avez, les gens ont un système de valeurs. Homes, cars, whatever. Des maisons, des voitures. School fees. Le prix des écoles. My kid to be educated. Whatever they are. L'éducation des enfants, quoi que ce soit. Education of your kids. L'éducation des enfants. Let those things not stop you from entering through this door. Ne laissez pas ces choses vous empêcher d'entrer par cette porte. Because here what I see. Parce que ici, ce que je vois. Is that the gown you prepare before the rapture. C'est que la robe que vous préparez avant l'enlèvement. Is the gown you enter with where? Into the rapture. C'est la robe que vous aurez pour entrer où? Dans l'enlèvement? And it's the gown they are coming with back with Jesus. You see that? Et c'est la robe que vous aurez pour revenir avec Jésus. Vous voyez ça? Did you realize that? Vous réalisez ceci? The armies of heaven, those are the raptured saints. Les armées des cieux, ce sont les saints de l'enlèvement. Verse 14. The armies of heaven were following him, riding on white horses, dressed in fine linen, bright and clean. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. So that means what you decide today, we are talking today. Ça signifie que ce que vous décidez aujourd'hui, ce dont nous parlons aujourd'hui. You people have to repent today if there is any speck. Vous peuple, vous avez à vous repentir aujourd'hui s'il y a quelques taches. If you have that little watch that your girlfriend gave you many years ago, that spiritual little watch. Si vous avez cette petite montre spirituelle que votre bon ami vous a donnée. I'm talking about spiritual now. Je parle au point spirituel maintenant. That has been hidden in your heart. Qui a été conduite dans votre cœur. That woman, when you preach, she smiles at you. Cette femme, quand vous prêchez, qui vous sourit. A little lusting going on, but you know I have my safety valves. Un petit peu de désir sexuel qui va là, mais on pense, oh ben j'ai ma valve de sûreté. No, I am safe. No. Your wife is complaining. Be careful. Mais maintenant, je suis libre. Votre femme se plaint. Attention. No. I'm mature. Non. Je suis mature. You have to throw that today in repentance. Vous devez traverser là-dedans dans la repentance. Get rid of those little watches and throw them away. Ne gardez pas cette petite montre et jetez-la. The devil may have slipped them. Most of you know them anyway. Qui a pu les avoir fauchés? La plupart d'entre nous vous les connaissez de toute manière. Or maybe secretly. Ou peut-être secrètement. Without knowing. Sans le savoir. Whether it's a dress. Que ce soit une robe that is lingering in your closet, you've grown bigger than that dress. Qui demeure dans votre armoire, même que vous avez grandi plus que la robe, throw it away. Jetez-la. Amen.